Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, la simplification de l'obtention des allocations CAF. De nombreuses aides de la caisse d'allocations familiales ne sont pas réclamées. En effet, les prestations sociales non réclamées à la CAF représentent chaque année 10 milliards d'euros. Pour pallier ce non-recours, le gouvernement annonce la mise en place d'un dispositif de demande simplifiée suite aux tests menés dans plusieurs départements en 2022 dans le cadre de la réforme de la solidarité à la source. Un comité de coordination pour l'accès au droit, réunissant les élus locaux, les caisses de sécurité sociale, mais aussi des associations de solidarité et responsables d'administration, a été créé pour suivre l'avancement de ce projet et plus généralement pour trouver des solutions au problème du non-recours aux allocations. Le dispositif doit porter dans un premier temps sur trois aides qui sont le revenu de solidarité active, la prime d'activité et l'aide personnalisée au logement. Alors, pour simplifier les démarches des usagers, le principe est d'instaurer un modèle de déclaration pré-rempli, tout comme pour les impôts sur le revenu, et la CAF adressera directement aux bénéficiaires cette déclaration pré-remplie. Ce système peut s'appuyer sur les données collectées par le dispositif de ressources mensuelles qui sert de base au calcul des allocations. Alors, pour faciliter cette procédure de déclaration pré-remplie, une nouvelle ligne doit être intégrée sur le bulletin de salaire mentionnant le montant net social, c'est-à-dire le montant servant de référence au calcul des prestations sociales. Dès le mois de juillet 2023, l'affichage du montant net social sera obligatoire sur les bulletins de paye et dès janvier 2024, tout employeur devrait être en mesure de déclarer dans la déclaration sociale nominative ce montant pour chaque salarié à l'instar du revenu net imposable. À noter que le montant net social est le revenu net après déduction de l'ensemble des prélèvements sociaux obligatoires. Il permet aux allocataires d'être directement, et c'est bien le but, informés de leurs droits sans avoir aucune démarche particulière à effectuer. Je tenais à faire une précision et une vigilance particulière avec les arnaques qui se multiplient. La caisse d'allocation familiale appelle à la vigilance de tous vis-à-vis des SMS ou des mails qu'ils reçoivent. De faux messages de primes optionnelles ou de primes inédites circulent ces derniers temps sur Internet. Ils sont destinés à attirer les consommateurs sur des fausses pages afin de faire de l'audience ou d'usurper des identités, leur compte et des informations qui n'ont aucune légitimité. La CAF alerte sur le fait que ces dernières semaines, elle n'a fait aucune annonce de nouvelle aide ou de nouvelle prime. Un seul moyen existe pour connaître les droits dont vous bénéficiez, se rendre sur le site de la CAF, espace Mon Compte ou via l'application mobile. Le site vous permet de vérifier et si nécessaire de corriger les informations de votre profil ainsi que de simuler vos droits et de demander des prestations familiales et sociales. Si vous voulez joindre votre CAF, un numéro unique, le 3220. Ce numéro est au prix d'un appel local et il ne sera jamais surtaxé. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.